Allô? Salut Benjamin, c'est Clara. Dis-moi, ça te dit d'aller visiter un musée samedi après-midi? Non, désolé. Samedi, à 15h, je vais au théâtre de la rue des Écoles, avec Fabien. Ok. Et samedi soir, tu es libre? Oui. À quelle heure? À 20h. Il y a un bon film, Le Havre. Super. On se retrouve où? Devant le métro, Odéon. Ok. À samedi. À samedi.